Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Sur les scrupules. Règles utiles pour la connaissance et le discernement des scrupules et des insinuations trompeuses de notre ennemi. Première règle, on nomme assez communément scrupule un jugement libre et volontaire par lequel nous prononçons qu'une action est péché lorsqu'elle ne l'est pas, par exemple, lorsqu'il arrive à quelqu'un de juger qu'il a péché en mettant le pied par hasard sur deux brins de paille en forme de croix. Or ceci est plutôt, à proprement parler, un jugement erroné qu'un scrupule. Deuxième règle. Mais après avoir marché sur cette croix, ou après avoir fait, dit ou pensé une chose quelconque, il me vient du dehors la pensée que j'ai péché, d'un autre côté, il me semble intérieurement que je n'ai pas péché. J'éprouve en cela du trouble, en tant que je doute et ne doute pas, or c'est là à proprement parler un scrupule et une tentation que l'ennemi fait naître en moi. Troisième règle, il faut abhorrer la première sorte de scrupule, dont il est question dans la première règle, parce qu'elle n'est qu'erreur. Quant à la seconde, indiquée dans la seconde de règle, elle est très utile, durant quelque temps, à l'âme qui s'adonne aux exercices spirituels, car elle sert grandement à la rendre plus nette et plus pure, en la séparant entièrement de toute apparence de péché. Selon cette parole de Saint Grégoire, c'est le propre des bonnes âmes de reconnaître une faute là où il n'y a pas de faute. Quatrième règle, l'ennemi considère attentivement si une âme est peu scrupuleuse, ou si elle est timorée. Si elle est timorée, il tâche de la rendre délicate à l'extrême pour la jeter plus facilement dans le trouble et l'abattre. Il voit, par exemple, qu'elle ne consent ni au péché mortel, ni au péché véniel, ni à rien de ce qui a l'ombre de péché délibéré, il tâchera, puisqu'il ne peut la faire tomber dans l'apparence même d'une faute, de lui faire juger qu'il y a péché là où il n'y a pas de péché, comme dans une parole ou une pensée sans importance. Au contraire, si l'âme est peu scrupuleuse, l'ennemi s'efforcera de la rendre moins scrupuleuse encore. Par exemple, si jusqu'ici elle ne faisait aucun cas des péchés véniels, il tâchera qu'elle fasse peu de cas des péchés mortels, et si elle faisait encore quelques cas des péchés mortels, il la portera à y faire beaucoup moins d'attention ou à les mépriser entièrement. Note. Si une âme est peu scrupuleuse, ou si elle est timorée, textuellement, si l'âme est épaisse ou mince. Et plus bas, dans cette règle et dans la suivante, Saint Ignace se sert des verbes correspondant à ces adjectifs, amincir, épaissir l'âme. Ces expressions, qui ne conviennent proprement qu'aux objets matériels, ont l'avantage de rendre sensible des opérations intérieures très délicates, la rendre délicate à l'extrême. À quelle fin? Pour troubler l'âme plus facilement et l'abattre. Troubler l'âme, c'est la première opération de l'esprit de ténèbres, l'abattre, c'est la seconde, et il ne tient pas à lui qu'elle ne se relève jamais. Le verbe espagnol desbaratar signifie, en termes de guerre, mettre en déroute, tailler en pièces, et en général causer une sorte de confusion semblable à celle qui règne dans une armée dispersée par un ennemi vainqueur. Or, une âme ainsi troublée, abattue, non seulement est incapable d'aucun bien pour elle-même, mais elle devient encore inutile pour le prochain. Et le mal est grand lorsqu'il s'agit d'une personne appelée par son état ou par sa position à produire des fruits abondants de salut dans les âmes. Fin de la note. Cinquième règle. L'âme qui désire avancer dans la vie spirituelle doit toujours procéder d'une manière contraire à celle de l'ennemi. S'il veut la rendre peu délicate, qu'elle tâche de se rendre délicate et timorée, mais si l'ennemi s'efforce de la rendre timorée à l'excès pour la pousser à bout, qu'elle tâche de se consolider dans un sage milieu pour y demeurer entièrement en repos. Note. De se consolider dans le milieu. Expression bien remarquable, conseil plein de sagesse. L'auteur des exercices ne se sert nullement des paroles que lui prête la Vulgate et l'abbé Clément. Si le tentateur relâche la conscience, il faut la resserrer, et la relâcher au contraire s'il la resserre. Car bien que cette conduite semble être une conséquence de la proposition générale de Saint Ignace, qui veut que l'on procède toujours d'une manière contraire à celle de l'ennemi, cependant, quand il en vient à l'application, il précise sa pensée et dit, que l'âme qui est ainsi tentée s'efforce de se consolider dans un sage milieu. En effet, celui qui se propose d'élargir, et surtout de relâcher sa conscience, lorsque le démon travaille à la lui rétrécir, est exposé à aller au-delà de ce sage milieu, et à donner contre l'écueil du relâchement, ce qui est précisément le but de l'ennemi, en le pressant sans le laisser respirer, et en le tenant dans de continuelles angoisses. Pourquoi faut-il qu'un grand nombre de personnes scrupuleuses aient prouvé cette vérité par une triste expérience? Fin de la note. Sixième règle. Lorsqu'une âme pieuse désire dire ou faire quelque chose qui ne s'écarte, ni des usages de l'Église, ni des traditions de nos pères, et qu'elle croit propre à procurer la gloire de Dieu, notre Seigneur, s'il lui vient du dehors une pensée ou une tentation de ne pas dire ou faire cette chose, sous prétexte de vaine gloire ou d'autres défauts, qu'elle élève son entendement à son Créateur et Seigneur, et si elle voit que cette parole ou cette action tend au service de Dieu, ou du moins ne lui est pas contraire, qu'elle fasse ce qui est diamétralement opposé à ce que lui suggère la tentation, répondant à l'ennemi avec Saint Bernard. Ce n'est pas pour toi que j'ai commencé, ce n'est pas pour toi que je cesserai. Note. Diamétralement opposé à ce que lui suggère la tentation. Textuellement, elle doit agir diamétralement contre cette tentation, avis d'une haute importance. C'est le résumé de la règle précédente, qui nous dit de procéder toujours d'une manière contraire à celle de l'ennemi. Saint Ignace se sert de la même expression dans la 12e règle du discernement des esprits, première semaine, où il dit que l'ennemi perd courage et prend la fuite avec ses tentations, quand la personne qu'il attaque fait diamétralement le contraire de ce qu'il suggère. Tel est donc le moyen le plus court, et sans contredit le plus efficace pour vaincre les scrupules, et se délivrer de leurs embarras et de leurs dangers. Mais il faut le mettre en pratique avec beaucoup de résolution et de constance, deux qualités avec lesquelles il est difficile de demeurer longtemps scrupuleux. Voyez encore. Discernement des esprits, première semaine, règle deuxième. C'est le propre du mauvais esprit. Fin de la note. Markendanarchive.org, 2020. D'après Archive.org, Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.